chef d'accusation. Trop aveugle d'en avoir trop vu, coupable, ma réalité me condamne dans une position de détenu. Altea jacta est en latin, le sort en est jeté, ite missa est, que Dieu me pardonne dans cette société. Le désespoir et la mort morale, et en aucun cas je donnerai mon âme au diable. Farouche sur le champ de bataille, la louve plaît à cause aux accents racailles. Deux zombies, du bif, bif, faire du chiffre avant de rejoindre le box office des sans domicile fixe. Misogyne ou raciste, l'histoire se répète après le Christ, la barbe du terroriste. L'œil de l'homme est mauvais, il te pousse à la faute sans embauche. Porte après porte, tu fais que ricocher. Coucher fait sur une base de respect, axé sur ma dignité. Relaxé, je crève la prison. Présumé coupable avant même d'être jugé. Sauras-tu nous l'accorder? Présumé coupable avant même d'être jugé. Parce que cette société marche pour préjugé. Présumé coupable avant même d'être jugé. Bénéfice du doute, sauras-tu nous l'accorder? Présumé coupable avant même d'être jugé. Parce que cette société marche pour préjugé. Parce que je refuse de me cambrer, comme on dit la dévise, pose problème, réclame un non-lieu. Attaché à une nostalgie obsessionnelle, autant fauché qu'hier, je peux pas aller mieux. Je veille, légitime, rebelle, impulsive. J'avais d'avoir raison de soigner les soucis compulsifs d'un système. Économie souterraine, je triche. Trop noir et fier, faire le maître mondial au monoriche. Donc, je me braque, je craque, indélicatesse, j'agresse. Sans aide, sans cadre, ordonnance pénale, je régresse. Moi, une sale négresse, je ne suis qu'une meuf de test. Je suis non coupable, juste victime de ton rejet. Même si l'épreuve m'accable, ma différence témoigne une menace pour ta prostate. Présumé coupable avant même d'être jugé. Bénéfice du doute, sauras-tu nous l'accorder? Présumé coupable avant même d'être jugé. Parce que cette société marche pour préjugé. Présumé coupable avant même d'être jugé. Bénéfice du doute, sauras-tu nous l'accorder? Présumé coupable avant même d'être jugé. Parce que cette société marche pour préjugé. Présumé coupable avant même d'être jugé. Bénéfice du doute, sauras-tu nous l'accorder? Présumé coupable avant même d'être jugé.